les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'est un jeu. Ici, il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Un genre particulier, l'émission qui suit, un amusant mélange. Parfois une improvisation, semble-t-il. Le comédien professionnel est égal à lui-même et sait mener l'intrigue et jouer plusieurs rôles. C'est Francis Blanche. Par ailleurs, Mouloudji chante du Mouloudji, Joe Borelli chante du Joe Borelli. Les policiers sont, nous dit-on, de véritables policiers de la Côte d'Azur. Et ils prennent un grand plaisir à jouer la comédie face à un romancier qui a inventé le rififi. Du rififi chez les hommes est le premier de la série, signé Auguste Le Breton. Auguste Le Breton qui vivrait, dit-on, dans cette émission, comme ses héros. Les héros déteignent donc sur leurs auteurs. Auguste Le Breton en cavale, sa voiture, une Citroën Traction avant, immatriculée 9104CW75 et recherchée par toutes les polices de France. Auguste Le Breton croisera la réelle épouse d'un vrai romancier, Robert Gaillard, le père littéraire de Marie Desilles, entre autres, et il affirmera à la digne épouse de Robert Gaillard qu'elle a le valseur drôlement bouleversé, l'argot. Mettons les oreilles en veilleuse, il y a en vue du rififi chez les romanciers. Première diffusion sur la chaîne parisienne le 7 octobre 1954. Attention, attention! Attention, attention! Il y a du rififi chez les romanciers. Un roman policier improvisé, réalisé à Vence par Robert Sadoul, avec le concours de Auguste Le Breton, Robert Gaillard, Francis Blanche, Joe Borelli, le célèbre collectionneur Nico Mazaraki, un inspecteur de la police mobile de Nice et Mouloudji. À la vérité, je vous dois quelques explications. Il y a du rififi chez les romanciers et plus qu'une histoire policière improvisée. C'est un peu le genre murder party, cher aux Anglais, un jeu de salon, quelquefois cruel, où chacun garde sa propre personnalité et joue le rôle qu'il tient dans la vie. Lorsque, par un certain après-midi, nous nous trouvions chez Robert Gaillard, à Vence, nous avons pensé qu'il serait peut-être intéressant d'utiliser des romanciers tels que Auguste Le Breton, auteur du Rififi chez les hommes, Robert Gaillard, auteur de Marie Desilles, et des amis à eux qui se trouvaient là et qui n'avaient aucun contact direct ni avec la littérature ni avec la radio, et simplement de leur demander qu'ils jouent leur propre rôle. Pour parfaire encore la chose, nous avons voulu que tout soit exact en dehors du thème choisi pour ce roman policier. Nous avons demandé à la police de nous prêter son concours. Et c'est ainsi que vous pourrez entendre, à la fin de cette émission, l'interrogatoire d'Auguste Le Breton par un véritable inspecteur de la police mobile. Les coups de mitraillette même sont des coups de mitraillette réels. Ils ont été tirés dans le jardin de Robert Gaillard à Vence. Mais voici qu'apparaissent Joe Borelli et Francis Blanche. Ils sont à la porte d'une boîte de nuit quelque part dans Paris. Entrons donc à leur suite. Assiste-toi, le mec qui est là-bas dans le coin avec les quatre frangines. Oui. Hein, ben c'est Auguste Le Breton. Non, c'est pas vrai. Alors? Non, pas possible. Ah, tu le connais? Oh, tu parles si je le connais, mais alors là, il est drôlement fringué, j'ai jamais vu habillé comme ça. Ah, mon pote, t'as qu'à le trouver, c'est le moment. Là, bouge pas. Alors, comment ça va? Bah, dis donc. T'as fait un héritage, c'est pas possible. Je suis de l'armée du salut. Non. Il a balancé ses économies. Oui. Oui. T'as l'impression que c'est... C'est vrai cette histoire-là ou c'est une coupure? Il n'y a pas de coupure, c'est tout ce que je dis, c'est vrai. Oui. Pardon. Fais voir un peu ce que t'as dans la poche intérieure gauche de ton veston. Poulet, mon vieux, pour poser une question comme ça. Non, pas un poulet, mais on fait une pintade, quoi. t'oublies que tu ne dois qu'un sandal. Je vais t'y donner, mon pote. Oui. Figurez-vous, mademoiselle, approchez-vous, mademoiselle, je vais vous faire une confidence. Oui, je vais vous faire une confidence. Vous voyez ce gars-là, là, bien gominé, bien nippé, sur mesure et tout. Eh ben, il y a 15 jours, il n'était pas brillant. Ah, oh là. Faut pas l'écouter, je t'en bavarde. Oh, oui. Il n'avait pas une pièce de 10 euros en poche. Et alors là, qu'est-ce qu'il a venu trouver le copain Francis pour lui demander 1500 francs? Oui, mettez-le une volanger. Oui, volanger. Volontiers. Bien chaude. Non. Détourne donc pas la conversation. Si vous m'aviez vu. T'oublies pas au pesage à Auteuil, il y a 15 jours. À Auteuil, non, je ne pouvais pas y aller, j'étais sans une thune. Oui, c'est pas toi qui vas demander 1500 balles. C'est vrai, mais je ne me rappelle pas. Il faudra peut-être. De toute façon, je te fais confiance, je vais te faire filer. Oui. Eh bien, alors, passe aux réalisations, n'hésite pas. Hein. Voilà, tu gardes la monnaie. Ça ne gêne pas. Oh, la monnaie. Il est généreux. T'as fait un héritage, allez, raconte-nous le coup. Non, non, allez, allez. Mais dis donc, bon, tu peux nous affranchir, quoi. Ça ne sortira pas de l'arrondissement. Allez, vas-y. On a soif, c'est pas une raison. Moi, j'ai soif de renseignement. Allez, vas-y. Vous êtes curieux. Oui. J'ai gagné à la loterie comme tout le monde. J'ai gagné à la loterie comme tout le monde. Hein. Et ton billet gagnant, il est dans la poche revolver, je suppose. Vous permettez, monsieur? Oui, de quoi s'agit-il? J'ai deux mots à dire à mon ami Didon, Auguste. Oui. Je suis rêve, tu pourras peut-être me prêter quelques sacs. Oh, mais tout le monde le connaît, ma parole. Merci, mon pote. Mais c'est de la bégomme, ce gars-là. Vous autres, il va vous payer un amour. On s'en vient, on veut du fric. T'as combien sur toi? Trois, quatre sous, comme d'habitude. Il n'est pas enclin aux confidences aujourd'hui, c'est rigolo, ça. Je suis d'habitude. Oui, t'as pas entendu parler d'un mauvais coup dans le quartier, du tout. Non, jamais entendu parler de ça. Bon, ben, nous en resterons à la dame de charité, alors. Oui, il y a que ça de vrai, là. Mais alors, si tu la rencontres une autre fois, donne-lui donc mon adresse. Allez, les mots, mettez-le en veilleuse, maintenant. Mon logis va chanter, ça vous va? Eh bien, voici une chanson sur un quartier de Paris, enfin que j'ai appelé mon quartier. Qui est banal, des mômes jouent dans les rues, y'a des filles, y'a des gars qui vont bras sous bras dessus. Là-bas il y a le canal, sur les quais on cavale, y'a les buttes d'où l'on voit tout Paris et au-delà. Accordéon dans l'air une nostalgique, c'est pour moi la plus belle des musiques. Je ne sais pas pourquoi je me sens le cœur nu en écoutant l'accordéon qui pleure dans les rues. Mon quartier est banal, cinéma, petit bal, des couples d'amoureux terriblement heureux. Les gens qui m'ont connu quand j'étais tout petit, les gosses que je connaissais qui maintenant ont grandi. Accordéon gémit le long des rues, le vieil aveugle chante les morceaux connus. C'est comme si c'était mon enfance perdue que j'entends tout le temps se plaindre dans les rues. C'est comme si c'était mon enfance perdue que j'entends tout le temps se plaindre dans les rues. chanter. Petit oiseau, c'est de l'eau, qui fait encore sa mère. Petits oiseaux, qui fait oh, château cochon, c'est la rocaille. Dis donc, Auguste. Regarde donc du côté de la porte. Ah, mais oui. Oh, sensationnel. Dis donc, Auguste, c'est ta fête. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la poule. C'est la poule qui est là. Qui c'est qui les a appelés? Hein? Qui c'est qui cherche à me faire emballer? Le breton est là. Dis donc, il y a les poulets qui arrivent. Ça y est, j'ai vu. Je vais me tracer. Non, nous non plus. Blanc, on le préserve. Mais me regarde pas comme ça, je suis pour rien. Si j'imagine que c'est moi qui ai envoyé des cartes d'invitation, tu te fous le doigt dans l'œil, tu sais. Une frime à ça, mon pote. Et dis donc, Auguste, on dit, hé hey. Si tu y es pour rien, ton pote doit y être pour quelque chose. Je suis ta vie, là. Parce qu'ils sont en frime sur votre 40. Tu cherches la châtaigne, là, ou quoi? On n'est pas la police, non. Allez, au revoir. À vos amours. Ça va être première, ta chanson, disons. Ça m'a rappelé quand on était gosse, couché dans le métro, qu'on n'avait pas becté. Les champions. Oui, encore, c'était pas aux Champs-Élysées dans le métro. Non, sûrement pas, à la porte Saint-Ouen, pas plus. Il fallait être rupin pour faire de la cloche aux Champs-Élysées. Il faut avoir de l'oseille. Oui, je parlais bien. Mais dites à l'air embêté, qu'est-ce qu'il y a? Un emmerdement, comme d'habitude. Un emmerdement, il n'y a que de ça dans la vie pour les mecs comme nous. Bah oui, mais à part ça, qu'est-ce qui va pas? Il y a une connerie, il y a un meurtre. Ah. Je te le dis à toi parce que je te connais. Ah bah oui, mais tu te rends compte, hein, meurtre. Et je m'en vais, je me trace sur la côte. La côte de quoi? On sait rien, peut-être en Italie, quelque part. En Italie? Je suis adressé, oui. Tu parles italien? Non, mais je me démerderai, je prendrai le bateau, oui, je pense que je vais prendre. Et puis il y a des gestes. Mais pourquoi tu descends pas plus tôt dans le midi? Je vais peut-être y aller, je ne sais pas encore exactement où je vais foutre mes pieds. Tiens... Enfin, le plus vite, c'est que je me parte tout de suite. Ah oui, oui. Mais il y a un joli coin là où... C'est facile de se cacher Avance. Mais je connais personne Avance. Si justement, justement. Je connais Robert Gaillard, le romancier, c'est tout. Ah bah oui. Je sais pas s'il va vouloir me planquer, puis c'est pas des mecs à ça. Oh, un romancier, monsieur, il va prendre comme il prendra dans son livre, comme ça il écrira un livre. Écrire un livre, mais c'est pas les livres, je m'en fous les livres maintenant, moi c'est que je suis en cavale, tu comprends. Allez, au revoir mec. Bon. À bientôt peut-être. Oui, bah bonne chance, hein. Pas la chance, la souris, pas toujours. Non, il faut l'attraper. Allez, au revoir. Au revoir. Allô, allô, allô, appel à toutes les voitures. Allô, allô, allô, appel à toutes les voitures. Allô, allô, allô, appel à toutes les voitures. Prière. Intercepté, voiture Citroën, fraction avant, 9000, 104, C, comme Charles, W, 75, allô, appel à toutes les voitures, prière d'intercepter, voiture Citroën, fraction avant. Numéro minéralogique 9104 CW75. Cette voiture a à bord un individu ayant commis un important cambriolage. Prière d'intercepter cette voiture de toute urgence et maintenir au courant de vos investigations. Ah, bonsoir Robert, comment vas-tu? Ben, il y a longtemps. Francis, oh, et toi? Il y a un siècle qu'on ne s'est pas vu. Hein. Et tes belles vacances, attends, comment ça marche, mais Francis? Elles vont bien, elles poussent. Tu les as coupées? Laisse-moi embrasser ta femme, Paulette, bonsoir. Ah, bonjour, François. Oh. Dites, écoutez. Je m'excuse, j'ai pris une liberté, mais on est suffisamment intime pour ça. J'ai amené un copain à dîner ce soir. Mais très bien, amis, bravo, des amis sont des amis. Hein? Et puis quand il y en a pour deux, il y en a pour trois, quand il y en a pour quatre. La loi des grands nombres, quoi. C'est Auguste Le Breton, vous connaissez Auguste Le Breton. Vaguement, comme ça. Il n'a pas de cravate, mais c'est un gars comme ça. Il a une chemise quand même. J'ai romancié Auguste Le Breton. Romancier. Non, mais allez, approche-toi. Le voilà, là. Allez, dis bonjour poliment. Très heureux allez, de faire votre connaissance. Bonjour, monsieur. Et Madame Gaillard, c'est Madame Gaillard. Bonjour, madame. Bonjour. Il aurait pu mettre une chemise quand même. Elle est drôlement bousculée. Quoi ? Elle est drôlement bousculée. Elle est drôlement bousculée. Oui, je veux, mon ami veut dire par là, n'est-ce pas, que vous présentez un charme incontestable. Ah, bien. Bousculée. Oui, elle est drôlement bousculée, c'est une expression. Mais en quoi était drôlement bousculée Le valseur. Le valseur. Ah oui, le valseur, n'est-ce pas, c'est difficilement traduisible. N'est-ce pas? Il s'agit de votre anatomie en général, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est plutôt flatteur dans la bouche de notre ami le Breton. Bref, vous faites des romans. Oui, vous aussi. Vous aussi, oui. Oui. Bon. Vous vous êtes lus mutuellement, oui? Oui, celui de la Jamaïque. J'aurais mauvaise grâce à dire que je ne vous ai pas lu. Enfin, je pense deviner un peu dans quel genre vous travaillez. Ça serait peut-être intéressant de savoir ce que le Breton pense des héros de Robert Gaillard et réciproquement. Hein? Les miens sont très nobles, et les vôtres? Moi, je les trouve bien. Oui. Jacques Mervel. C'est un truand qui vit en Amérique du Sud. Mais vous bien. À table, ouais. Enfin, allez à table. On va se mettre à table, oui. On va se mettre à table. On discutera littérature à table, oui. Le fait est que ça va donner de l'inspiration. Littérature, d'ailleurs. Allez. Il y a de la copa, j'adore la copa. Allez, assieds-toi là, juste. Allez. Et mange proprement, hein. Il y a du vol au vent à la morue. Non, c'est pas possible. On vole ce qu'on peut, hein. Allez. Et ce ponche que tu nous avais promis, Robert, alors un bon ponche martiniquais pour pas perdre les traditions. Ponche, voilà le ponche. Voilà, comme ça, comme tu l'as senti. Tiens, voilà. Bien sucré, voilà. Hein. Alors, si vous... Eh bien, un homme de la Jamaïque buvait du ponche comme ça. Oui. Vous écrivez sur les gens de Montmartre, des voyous. Sur les voyous, Les voyous, oui. Vous les fréquentez? Exactement. Vous les connaissez bien? Je vis avec eux. Vous vivez avec eux? Oui. Non, je préfère les boucaniers, les flibustiers. C'est le même genre, il y a de l'aventure partout, c'est autant à Montmartre qu'ailleurs. Ben, il ferait mieux de s'expatrier là-bas, dans ces conditions-là. Pourquoi? Moi, je ne peux pas promener à Montmartre en ayant l'air de serrer les omoplates, n'est-ce pas? Si vous voulez mon avis, les héros de Le Breton et les héros de Gaillard sont les mêmes, avec la différence, c'est que ceux de Gaillard sont morts depuis déjà pas mal de temps. Mais ils ont le même genre de vie. Ils ont le même genre de vie, mais il y en a qui sont encore vivants. Enfin, de l'autre côté, vous parlez un langage que je comprends guère. Vous comprenez pas l'argot? Chacun son style. Hein? Oui, évidemment. Mais le valseur. Ah, ben. Le valseur. Je ne sais pas, il a envoyé des termes tout à l'heure que. Le rififique. Le rififi, lâche-nous. Ah, ça vient de rif. Oui. De rif, oui, c'est exact. Ah. C'est le rif vient d'où? De la guerre du rif. C'est. Non, il y avait déjà ça en 14, il paraît. À cause de la troisième cigarette. Ah, nous allons faire de la littérature, mon cher. J'ai l'impression que nous allons collaborer si nous continuons comme ça. La littérature ou de la peinture? À la peinture, j'ai un excellent ami que j'attends, qui va arriver d'un moment à l'autre. J'espère qu'il sera là avant que nous ayons fini nos ponches. Qui reçoit sa collection de tableaux, une pure merveille. Comment s'appelle-t-il? Nico Mazaraki. Oh là, tu penses? Il a des... Ah oui? Outrimi, Dufy, Dora, Matisse, Galibert, splendide, une splendide. Il doit en avoir pour du pognon, là. Tu vois? Mon cher, c'est inestimable. Je pense. Oui? T'as vu le Breton? Il meurt loin? Le Breton qui dresse l'oreille. Dans les environs, enfin, il nous dira quelle est la nouvelle adresse qu'il a choisie. Oui? Tu vois son œil qui s'allume? Écoute-moi, Robert, t'as eu tort. T'as eu tort de parler de tableau devant le Breton. Il aime la peinture? Oh! Ah, moi aussi, je l'adore. Il l'aime trop. Ah, mon cher Nico Mazaraki, nous avons dîné hier ensemble et j'aurais bien... Nous n'avons pas pu, étant donné les circonstances, parler ensemble de ces différents décès qui ont eu lieu ces temps derniers. Je savais que ces amis étaient comme des frères pour toi, de Rhin, Matisse, maintenant. Et j'aurais voulu te présenter mes condoléances. Oh, mais... Tu as toujours cette magnifique collection de tableaux. Enfin, tout au moins une partie. Une partie. Tu te rappelles toujours, évidemment... de la façon dont tu as connu Utrillo. Oui, Utrillo, Dufy, de Rhin, c'était vraiment pour moi des très grands amis. Et tu as toujours quelques toiles. Ben, j'ai quelques toiles, oui, encore. Qui... Vraiment? Tu es le dernier des grands Grecs. Mais non, je suis français avant tout. Dis donc, je voudrais te demander, tu as reçu de tes toiles récemment. On ne peut pas les voir, jeter un petit coup d'œil. Tu avais si beaux autrilios que je n'ai jamais vu. Bien volontiers, oui, volontiers. Nous y allons. Oui, volontiers, nous allons y aller. Voilà des visiteurs, voilà. Monsieur Gaillard, vous venez voir les tableaux de Monsieur Mazaraki. Hein? Ah oui, je voudrais surtout voir les Outrilios et les Dufy. Ah, allez, conduisez, Monsieur Mazaraki. Montrez, ah, Nico, et montre-moi, tu sais, ces Outrilios que j'aime tant. Tu connais ces vieux murs de mon âme. Tiens, mais je vous les montrer, attendez, je sais, je vous les montrer. Là, vous en avez un là-bas, de ça, et vous avez... Oh, mais il n'est plus le Berne, alors. Mais je ne vois plus l'église de Maros d'Outrilios, mais où... Mais, où l'avez-vous mis? Mais vous l'avez décroché, M. Mazaraki. Mais non, je ne l'ai pas décroché, mais je ne le vois plus. Mais où est-il? Mais enfin, où est passé ce tableau? Alors, enfin, voyons. Oh, merde, alors. Ne criez donc un peu moins non, fort mais et expliquez-vous convenablement. Mais non, mais ce tableau était accroché, là, enfin, vous l'avez vu. Enfin, vous surveillez un peu cette... Mais oui, mais je surveille, mais est-ce que je pouvais deviner, enfin, M. Mazaraki, vous n'avez pas touché à ce tableau? Et vous? Mais vous n'avez pas... Oui, mais vous, non, les yeux. Pas... Attendez, je vais regarder. Mais non, mais c'est... Mais il faut prévenir la police, il faut faire quelque chose, enfin voyons. Nous allons prévenir la police, mais d'abord, comment ce tableau a-t-il pu disparaître sous vos yeux? Mais il n'a pas disparu sous mes yeux, je vous garantis qu'il n'a absolument... J'ai à cru... quelle heure avez-vous allé déjeuner? J'ai cru, mais je n'ai pas déjeuné aujourd'hui. J'ai cru que M. Mazaraki avait décroché, il avait changé de place, en fait, c'est affolant, ça. Mais il faut faire quelque chose, mais bon, enfin... Il faut voir tout de suite si d'autres tableaux n'ont pas disparu. Il y a... Après ça, nous aviserons, ce garçon restera sous notre surveillance... Il manque un Dufy aussi, là-bas. Et peut-être deux, trois, quatre Dufy. Alors, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que vous faites ici, alors? Voyons. Mais on a... Mais vous savez, c'est certainement au cours de cette réception, hein? Certainement. Il s'est passé quelque chose. Écoutez, je vous en supplie, il faut vite prévenir la police. Il faut prévenir la police tout de suite. Vous avez le téléphone? Non. Alors, comment allons-nous faire? Alors, descendez au bistrot du coin et téléphonez vite. La police. Je vais. Police. Ah, salut, bonjour Francis, je suis content que tu sois là, tu sais. Tu vois... Attends, je t'interromps. Avant toute chose, je veux un punch avec beaucoup de rhum et très peu de sirop. Hein? Oui, mais nous sommes dans le sirop, mon vieux. Nous sommes dans le sirop. C'est comme ça que parlait ton ami hier soir, tu mais comprends? Mais écoute, t'as l'air tout Mais triste. Je suis pâle et décomposé. Comment ça se fait? Tu vois, ton camarade Le Breton est déjà arrivé, je l'ai convoqué, j'ai téléphoné. Mais... Parce que la gentillesse de donner son adresse hier soir... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un embêtement? Eh bien oui, il y a des tableaux qui ont été volés. Des tableaux que... Bon, je m'excuse, monsieur, j'ai beaucoup d'amitié pour vous, à tous les cas, hier soir, Francis m'a dit que vous aimiez beaucoup la peinture, et c'est très bien d'aimer la peinture, mais enfin... Je suis avec vos tableaux, non? Enfin, écoutez, je veux bien, vous avez une façon de vous exprimer qui... Dis donc, Francis, dans quel bain que tu m'as amené? Mais non, mais moi, j'ai dit ça bon, hier soir, comme ça, quoi. Écoutez, messieurs, oui. Il y a des tableaux de grande valeur qui ont disparu. De chez mon ami. Bah, nous l'avons vu ensemble. Mais on y est pour rien, nous. Écoute, Francis, veux-tu venir un moment avec moi? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Bon, d'accord. N'est-ce pas? Alors, viens. Alors, vous nous excusez, n'est-ce pas? Je vous laisse avec votre ami, que vous avez la gentillesse d'aimer chez moi. Oui, mais enfin, celle-là, vous allez me reprocher ce truc-là. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes à deux, d'ailleurs. Enfin, viens, Francis, je vais t'expliquer. Attends, je me suis... Alors, un instant, viens par ici, on va. Eh ben, voyons, je crois que t'es dans un sale coup. Ils sont bourrés. Ah, ils sont pas gourés du tout. Il y a le ton pote, là, le Francis Blanche, là, qui a l'air de te mettre tout sur l'air. Hein. C'est facile. Mais, pourquoi veux-tu qu'il me foute ça écoute, sur le cuir? Écoute, entre nous, je vais dire un truc, si tu l'as fait, range-toi pour bien le planquer, parce que... Qu'est-ce que tu crois? Oh, tu penses qu'il va y avoir pétard dans les 48 heures. Et alors? Ah, tu penses, qu'est-ce qu'il y a dans ce bled? Il n'y a qu'un Auguste le Breton. Tous les autres, ils peuvent monter leurs pattes blanches. C'est facile de me foutre ça sur le cuir, parce que c'est moi. Ils vont te garder, puis après, il va falloir... Alors, à toi de faire gaffe, mon pote. Non, Robert, écoute, non. De toute façon, j'étais obligé de prévenir la police. Non. La police est prévenue. Comme, messieurs, vous permettez... Mais vous bourrez. Messieurs, vous permettez, écoutez-moi, Auguste est un ami à moi, il y a 20 ans que je le connais. Monsieur Francis, il est venu aussi, me dire ici, pour me dire bonjour, il n'est pas venu ici pour turbiner. S'il était venu ici pour turbiner, il ne serait pas venu je chez moi. Je ne comprends absolument rien de ce que vous me dites. Vous parlez une langue que je ne comprends pas. Dis, j'ai le rififi, mon vieux, il y a un concert derrière. Ou alors, écoute, bien, sur j'apprendrai pas qu'à le rififi. Mais vous avez le rouge émis qui vient de sortir. Vous n'allez pas nous la casser. Explique un peu à Robert Gaillard qui se fout le doigt dans l'œil. Hier soir, nous parlions ensemble d'aventuriers. Oui. Et les siens sont de Montmartre, les miens sont des Antilles. Et tu disais, toi, qu'ils étaient morts, les miens. Oui. J'aurais préféré avoir des aventuriers morts. Ils n'auraient du moins pas volé les tableaux, sans doute. Oui, mais on ne pourrait pas les accuser, tandis que lui, il est vivant, alors vous voulez vous le mettre pas sur peur, le dos. Monsieur. Monsieur, je n'ai pas l'intention de vous faire peur. Moi, vous me foutez le trac, en tout cas. Pourquoi je vais pas vous faire emballer. Allons, mes enfants, mais qu'est-ce qu'il a, ce mec-là? Il me cherche du rififi. Qu'est-ce qu'il a, les marteaux? Quand il va être au placard, qui c'est qui va le sortir? Non, on est entre amis. Non, mais allez. Non, allez, le ponche, vite, le ponche. Oui, ça va calmer les esprits. Écoutez, ça va comme ça, hein, la prochaine fois, on restera chez nous, hein. T'es, toi et tes potes, ça va comme ça. Ah ça, restez chez vous, messieurs. Salut. Ça va, Francis, bonjour. Ça va, salut. Comment vas-tu? Salut, Auguste. Comment vas-tu? Bien, ça va. En fait, plutôt mal. Ben, écoute-moi, mon pote, je t'ai fait venir. Cigarette? Non, merci, je fume pas. Ça y est. Merci. Tu permets que je te dise un mot? Vas-y. Tu vois, je suis pas énervé. Non. Je suis calme. Ne crois pas que... Je crois rien, moi, là-bas. Tu vois, rien. Bon. Mais je vais t'expliquer un truc, ton pote hier soir, là, comment tu l'appelles? Robert Gaillard. Ah, celui-là, alors, dis donc. Ben, c'est un gaillard. Ah, c'est un gaillard, c'est un drôle de gaillard. Mais qu'est-ce qu'il avait... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait l'air d'un signeux hier soir? Le foutre sur le dos. Ben, vous êtes marrant, mettez-vous à sa place. Mais mets-toi la note de place. Est-ce que tu te mets la note, toi, de place? C'est marrant, j'amène Auguste chez lui, et puis il y a cette histoire après. Il a le droit de penser qu'il y a un rapport. Bon, il a le droit de penser rien du tout. Il va me reprocher de voler les tableaux, j'ai même pas volé un croissant de ma vie, il est fou. Peut-être pas un croissant, mais cette histoire-là, c'est assez louche. Alors, toi, de ta façon de penser, de la façon que tu parles... Mais moi, je sais rien, j'accuse personne. De la façon dont tu parles, t'as l'air de dire encore que c'est lui. J'ai rien, je demande. Écoute-moi, Francis, je vais te dire une chose. Ben, vas-y. Tu vas le prendre pour comme tu voudras, avec hein. Avec des pincettes. Non, oui, avec des pincettes, fais pas le zouave. Je vais te dire un truc. Auguste Le Breton est mon ami. Oui. C'est pas un ami de 8 jours. Non. Comment, c'est pas un camarade. Non. C'est un mec que je connais depuis 20 piges. Oui. Et je l'ai connu dans des coups que tu ne trouveras jamais. 20 piges avec sursis. Non, pas avec sursis. Parce que tu plaisantes pas... en plus, pars-tu le marché? On peut pas se marrer? Non, on se marre pas. On n'est pas venu ici pour se marrer. Il y a des poulettes dans le pays. Oui. Tu comprends? Ça fait plus gai, ça fait campagne. Oui, mais si c'est toi qui vas au placard, je m'en balance. J'aime mieux te le dire. C'est gentil. Ben oui, mais je te le dis. Si c'est mon pote, c'est pas pareil. D'accord. C'est moi qui faudra que j'aille le chercher au placard, tu comprends? Où tu veux en venir? Je vais en venir te dire un truc. Cet homme-là, Auguste, est venu chez moi. Oui. Et s'il est venu chez moi, tu sais comment ça se passe, il m'a affranchi avant. Hmm? Bon, il est venu parce qu'il était emmerdé, il les avait dans les reins, oui, à Paris. Oui. Donc il n'est pas venu ici pour tes tableaux ou tes trucs à la gomme. Est-ce que j'ai dit ça, moi? Ben non, mais de la façon dont vous parlez, c'est ton pote qui disait ça. Il se le demande, c'est pas la même chose. Eh ben toi, puisque c'est ton pote, t'as qu'à aller le trouver, t'as qu'à aller lui dire. Pourquoi t'es venu ici, Auguste? Ça, ça te regarde pas, pour commencer. Qu'est-ce que tu vas l'affranchir? Oui. Je suis venu me planquer chez mon pote. Ah ben je vais pas m'amuser à casser quelque chose chez les gens que tu m'amènes. Alors. C'est une histoire de dingue, de votre truc, là. C'est vrai? Mais voler quoi, les mais tableaux, je pourrais même pas les fournir. Que là? Je pourrais même pas les placer. Mais lui explique rien du tout. Tu vois pas qu'il a encore l'air de soutenir son pote de la façon dont il parle? Gaillard, en tout cas, moi, je me porte garant pour lui. Moi, je m'en fous de ton ami. C'est peut-être un gentil garçon. Ce qu'on va faire à ton Gaillard, on va aller le braquer. Allez, faites pas les caps, quoi. Gaillard, moi, je m'en porte garant. C'est pas lui qui a prévenu la police. Eh ben alors qui s'est raqué? Comment? Il y en a plein, le patelin. Mais comme tout le monde, il a un casier. Il faut que je m'en aille. Il faut que je me trace à fond de train. Gaillard, il a fait le trafic de la canne à sucre, et des parapluies. Et des suspensoires. Oui, tant de trucs comme ça. Enfin, écoute, tu peux aller retrouver ton pote. Hein? Et puis un bon conseil, tenez-vous peinard. Non, écoutez, je vais essayer d'arranger ça. Non, arrange-le, papa, tu vas essayer. Mais tu vas l'arranger sans ça, c'est toi qui vas payer. Tu l'arranges pas, on va le mener en belle, ton pote Gaillard. Oh, écoutez, faut pas exagérer non plus. Et puis toi aussi. Non, mais dis donc, me parle pas sur ton... Bon, non, mon pote, tu me fous pas le trac, hein. Ah non, mais alors, oui. Ça y est, vous me lancez maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te balancer un coup de boule, ça va pas traîner. T'es zig? Oui. Tu me fais rigoler. Te fais rigoler. Mais dis pas. Non, hé, voilà, hé. Hop. Si c'était pas pour mon pote, je crois que je... Tiens, tire tes pattes. Je tire mes pattes, c'est pas mes pattes que je vais te tirer, c'est dans tes tripes. Et... Je vous ai dit une chose, je vais essayer d'arranger ce truc-là. Maintenant, si vous n'êtes pas content, c'est la même chose. Non, je suis pas content, vous non. Vous commencez à me cavaler, tout le monde. Eh, petite cavale. Bonjour, Le Breton. Je suis content de te voir, quand même. Ah oui, pourquoi? Francis m'a dit des choses, quoi. T'es un homme? Oui. Moi aussi? Oui. Tes aventuriers sont les miens? Au milieu, Francis a beau dire que les miens sont morts, c'est sans les miens. C'est peut-être vrai. Il y a une question d'honnêteté, de probité. Tu comprends? Alors, tu vas me dire, tu les as pris les tableaux ou non? Mais non, je les ai pas pris. Pourquoi j'aurais pris des trucs comme ça, puisque je peux pas les fourrier de toute façon? Bon, et je suis pas là pour turbiner. Je suis en cavale de Paris. Ah, tu cavales, bon. Tiens. Monsieur, le gardien des tableaux de Monsieur Mazaraki est là. Ah, faites-le rentrer, celui-là. Qu'est-ce qu'il veut encore? Empoisonneur. Monsieur Gaillard, Monsieur Breton, je vous demande pardon de tout ce qui s'est passé. C'est moi. C'est parlez moi. Parlez sans vous émouvoir, mon garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, c'est lui qui a dû chourer les tableaux, ça se voit à sa frime. Oui, je ne comprends pas très bien ce que vous dites. Où sont-ils? Écoutez, je me suis laissé aller en moment de faiblesse et pris les tableaux, je les ai décrochés. Je mets la peinture. Je voulais les garder pour moi, je ne voulais pas les vendre. Mais je les ai remis en place, je vous assure. Je n'ai rien fait de mal. Écoutez, promettez-moi que vous me pardonnez. Je vais tout dire à la police. Dire non, quoi non, mais c'est pas le moment de dire à la police, elle est dans le patelin. Elle est dans le patelin, elle est là. Oui. Allez, vous allez vous coucher. Vous avez une femme, des enfants et tout. Oui. Hein? Vous aimez les tableaux, vous aimez la peinture. Oui. Les tableaux sont raccrochés. Oui, ils sont tous mis en place. Allez vous coucher. Oui. Hein? Pour manger une bonne soupe, couchez-vous et embrassez votre femme. Mais vous me pardonnez, hein. Vous me pardonnez. Bien sûr, avec une grosse tête comme ça. Je suis navré qu'on vous ait. Mais c'est moi qui suis navré, j'ai la poule au cul maintenant. Comment? Oui, je suis recherché pour meurtre. On t'expliquera seulement. Allez. Je ne l'ai pas fait exprès, vous savez. Non, je suis pas de mon vrai garçon. Partez, fichez-nous la paix maintenant. Parce que j'aimais bien la paix. Fichez-nous la paix. Alors, qu'est-ce que tu fais avec ton flingue maintenant, là, à la ceinture? Eh bien, faut que je m'en aille, je peux pas rester dans le pays puisqu'il y a les poulets. Tu entends? Il n'y a pas moyen pour se tracer d'ici? Si. Tu prends le fond du jardin, tu démines à toute vitesse, on ne te donnera pas, va? Merci. On ne donne jamais personne ici. Va. Merci, au revoir. Au revoir. Et bonne chance, hein. Allez. Monsieur, c'est la police. Mais à quelle entre? Que voulez-vous? Monsieur Gaillard, on recherche un nommé Le Breton. Je ne le connais pas. Pourtant, on l'a vu rentrer chez vous. Je ne l'ai pas vu. Vous ne voulez pas parler? Je n'ai pas de raison de parler, je ne l'ai pas vu. Très bien, on l'aura quand même. Alors, Le Breton, on te tient cette fois. Vous permettez, je m'assois, j'ai la jambe blessée. Tu t'assoiras quand je te y autoriserai. Vous voyez pas que j'ai mon raisin qui me coule long. Bon, ça va, assieds-toi, boucle-là. Maintenant, c'est moi qui parle et tu répondras à mes questions. Le Breton, cette fois, tu es marrant. Il y a longtemps qu'on te cherche. Je suis marrant, pourquoi? Puisque vous vous bourrez, je vous dis. Tu es marrant pour plusieurs raisons. D'abord, pour ce qui est de se bourrer, mon pauvre ami, si tu n'as que des arguments semblables, tu sais, ça ne tiendra pas. Premièrement, tu fais l'objet d'un mandat d'arrêt pour avoir dégringolé un type à Paris. Ben, qui, moi? Toi, Le Breton Auguste. Mais vous vous courez, c'est une erreur judiciaire, ça. C'est une erreur judiciaire. Mais vous en faites tout le temps. Voilà de grands mots, nous en faisons tout le temps. Et t'appelez un toubib ou un infirmier, voyez pas que mon raisin coule tout le long de ma jambe. J'appellerai un toubib lorsque je le jugerai utile. Je te l'ai déjà dit, c'est moi... Je suis en train de me vider de mon raisin. Eh bien, mon pauvre, ce ne sera pas une grande perte. Vous êtes sentimental. Oui, je suis sentimental. Comme tu dis, tu l'es, toi, sentimental. Oui, je suis sentimental. Tu es sentimental. Le gardien de la paix que tu as dégringolé tantôt, tu étais sentimental. Il sait qu'il m'a tiré dedans le premier. Il t'a tiré dedans le premier. Il avait peut-être une raison, lui, de tirer. Parce que c'est un défenseur de l'ordre, lui. Et moi, Et si tu n'avais pas, moi, alors. Toi, tu es une fripouille. Une fripouille. Une basse fripouille. Alors, écoute, mon vieux. Allonge-toi. J'irai chercher le toubib. Vas-y. M'allonger de quoi? Reconnais ce qui t'est reproché. De toute façon, j'ai les preuves. Mais j'ai rien. Personne n'a rien à me reprocher. Personne n'a rien. J'ai buté un mec à Montmartre. C'est pas vrai. C'est pas moi. Quel mec d'abord? C'est pas toi qui as dégringolé Bébert à Montmartre. Non, c'est pas moi. C'est pas toi. C'est moi peut-être. Non, j'ai rien. C'est possible. Écoute, mon vieux, tu es en train de crever de ta plus belle mort là. Alors, accouche, allonge-toi. On en finira. Tu iras à l'hosto. Mais je m'allonge pas et j'accouche pas non plus. J'ai rien à dire. Puisque je vous dis que c'est pas moi, c'est pas moi. Eh bien, pas de preuve de ce que vous racontez. Je n'ai pas de preuve. Lorsque tu passeras en assise, tu les verras, les preuves. Tu verras les témoignages. Lorsque tu passeras aux assises pour avoir dégringolé le gardien de la paix, tout le monde te reconnaîtra. Et alors on coupera le gadin et après? Et après, ça fera une grande perte pour la société. Monsieur le Breton Auguste, le célèbre romancier qui passe en cour d'assises, qui passe à la guillotine. Romancier, voyez bien, vous dites vous-même que j'écris des bouquins. Oui. Je ne peux pas dire que tu n'écris pas de bouquins, évidemment. Évidemment, on voit ton nom partout. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense, alors? Puisque ce n'est pas toi. Je vous dis que je suis venu sur la Côte d'Azur pour prendre le soleil. Oui, tu es venu sur la Côte d'Azur pour prendre le soleil accidentellement, parce que si on ne t'avait pas agrippé aujourd'hui, tu aurais passé la frontière très certainement. Oh, et monsieur, tu serais peut-être... tu aurais peut-être modifié ton nom. Je ne sais pas, tu aurais ajouté une particule, ça fait bien. Ça se défend. Je suis pas noble, moi, j'ai pas besoin de tout ce truc-là. Ah, tu n'es pas noble à aucun point de vue. Tu es un sale type. Tu es un déchet de l'humanité. Et des types comme toi, il y a longtemps qu'on aurait dû les supprimer. C'est qu'à nous buter quand on est tout gosse, alors vous ne laissez pas grandir. Mais mon pauvre ami, ce n'est pas ma faute si tu es venu au monde, ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde. Et puis, ce sont des considérations à côté, ça n'a rien à voir avec l'histoire qui t'amène ici. Je ne ferai pas remercier, je suis têtu et breton. Oui, mon pauvre ami, tu es breton et tu es têtu, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne suis pas breton, mais je suis pour le moins aussi têtu que toi. Et nous verrons ici qui de moi à moi commande. On sait, vous commandez tout le temps, dans la rue, dans vos bureaux, partout. On n'a pas le droit de respirer, il faut demander l'autorisation. Eh bien, mon vieux, il y a une chose que tu pourras demander. Tu pourras demander l'autorisation de crever dans pas longtemps. Et donc, je crèverai, et puis après, qu'est-ce que ça peut me foutre? Toi, ça ne te foutra rien, moi, ça me fera quelque chose, parce que je pourrai enfin dire, voilà une franche crapule de disparu de la circulation. Mais t'es sentimental, quoi. Oui, je suis un sentimental, mais on ne saurait en dire autant de toi. Entrez! Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je viens pour mon camarade... Bonjour. Salut, comment vas-tu? Pardon? Qui votre camarade? Mon camarade. C'est un ami, vous voyez bien qui me connaît. Ah, ben mon vieux, vous avez de belles relations, vous, ça fait plaisir, t'es. Ah, et qui êtes-vous? Oui. Eh bien, je m'appelle Mouloudji. Vous vous appelez Mouloudji? Oui. Mon Dieu, c'est un nom qui... Ben, le chanteur, vous ne connaissez pas le chanteur, le poète? Mais vous ne connaissez rien dans la poule, c'est vrai. Mais dites donc, vous recommencez, alors. Vous permettez, oui. Si vous continuez sur ce temps, je vais vous faire sortir votre ami, on verra. Vous avez des mauvaises relations, hein? À qui vous adressez-vous, pardon? Ah non, je parlais de vos relations entre vous deux, papa. Mais il faut reconnaître que les relations sont un peu tendues. Ah oui. Et vous connaissez cet individu depuis longtemps? Je connais monsieur, oui, depuis ma plus tendre enfance. Depuis votre plus tendre enfance? Oui. On était dans les rues ensemble. Vous étiez dans les rues ensemble? Oui, dans les rues. Ah. Et par Clochard. Clochard. Oui, Clochard. J'avais 3 ans. Vous êtes clochard aussi, c'est très bien. Depuis mon plus jeune âge. Et vous vous êtes suivi par la suite, sans doute? On s'est suivi l'un et l'autre. Il n'a rien à voir dans mes trucs, comment je ne sais pas chercher à l'embrouiller. Parce qu'il pourrait peut-être me donner des tuyaux sur Bébert. Quel Bébert? Il ne connaît pas de Bébert non plus. Il ne connaît pas de Bébert non plus. Qui est Bébert? Ah, Bébert, c'était un copain à lui. Bébert? Oui. Mais ben, l'écoute pas, il est... C'est un copain à lui, il a dégringolé à Paris. Il a dégringolé à Paris? Oui. Bébert lui a soulevé la Lily. Lily? Mais Lily. Qui c'est, Lily? Lily, c'était sa petite. Mais il ne connaît pas tout ça, ni moi non plus. Et alors, s'il ne connaît rien, je me demande ce qu'il vient foutre ici. Mais je suis venu dire bonjour à mon camarade de Breton. Voilà, vous avez des relations qui sont charmantes. Ah, bah qu'est-ce que vous voulez mettre dans la rue? On a de très belles relations. Ah, oui, ça se voit. Ça vaut bien les salons, non? Oui, évidemment. Chacun choisit ce qu'il peut. Vous, la rue, j'admets que vous ne l'avez pas choisi. Au début... Mais par la suite, vous avez continué. C'est donc que vraisemblablement, ça vous plaisait. Ah, mais non, il n'a rien à voir dans tout ça, je t'ai dit. Mais alors, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il n'a qu'à foutre le casse. Il n'a rien à voir dans tout ça. Il a su que j'étais là. Mais enfin, moi, vous savez, entre nous, j'étais venu comme ça. Comme ça, en passant? Ben, dans la rue, j'étais venu dans la rue. Dans la rue, vous avez dit, tiens, je vais voir le vieux copain. Il a su que j'étais emballé, donc. Et je l'ai su comme ça, tout à fait. Ben, ça, dans la rue, on parle. Ah oui, on parle, évidemment. Ici aussi, on parle. Ah, beaucoup, même. Oui, pas mal. Énormément, pas mal. Oui. Alors, en définitive, que nous vaut l'honneur de votre visite? Ah, bah, c'est-à-dire que je venais voir mon camarade le Breton. Vous l'avez vu? Regardez-le. Oui. Voyez, il a eu Jean Besquinté. Faites-lui voir le raisin. Il n'a pas vu. Vous faites monsieur pas, perd vous faites... son raisin sur le tapis. Vous faites pas appeler le médecin? Ah oui, tout de suite. Vous aussi, vous y tenez autour de lui. Les médecins avec des mecs comme ça, ils sont trop tendres. Écoutez, puisque vous êtes bien copain avec lui, vous pourriez peut-être. Pour lui donner un conseil, c'est d'avouer ce qui est prouvé. Ben, qu'il avoue, qu'il avoue. Et dites-le lui à lui, ne me le dites pas à moi. Mais s'il n'a rien à avouer. Téléphonez au sommier, vous allez voir que j'ai jamais payé dans ma vie. Je suis blanc comme alors un. Alors c'est toi qui donnes des ordres, c'est toi qui me dis de téléphoner au sommier. Mais mon pauvre ami, les renseignements nous les avons depuis fort longtemps. Il y a fort longtemps que monsieur le Breton est cherché, en vertu d'un mandat d'arrêt. Eh oui, ben vous vous bourrez, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes têtu aussi, oui, vous. Mais oui. Ils avaient qu'à pas me tirer dedans les premiers. Ah, ils sont méchants? Ils sont méchants? Mais diable, D'abord, il est prouvé que c'est toi qui as tiré le premier, lorsque tu as fait la malle en passant par la fenêtre. Il est prouvé. C'est prouvé, il y a des témoignages formels. Ah, des témoignages de flics qui sont solidaires les uns des autres, pardi. Bah, évidemment, tu n'aimes pas beaucoup les flics, hein, on dirait. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les flics? Absolument rien. Absolument rien, alors pourquoi leur tires-tu dessus? Ils m'ont fait que des cadeaux dans ma vie. Ils t'ont fait que des cadeaux, je comprends. Et toi aussi, tu as fait de beaux cadeaux? Tu as fait de beaux cadeaux, tu as trafiqué sur les stupéfiants. La neige. Ce sont encore de beaux une cadeaux. Erreur judiciaire. Vous avez cherché des trucs qui ne tiennent pas debout, qui n'ont jamais existé. Vous trompez, c'est pas moi, c'est un autre mec que vous avez c'est dans un autre la mec. Tête. Et alors comment il s'appelle? J'en sais rien, moi, comment il s'appelle? Pas le Breton. Comment? Il s'appelle pas le Breton, le mec? Mais il y en a des mecs qui s'appellent le Breton en mais France, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de Bretons qui sont romanciers. Il y en a peut-être d'autres, j'en sais rien. En tout cas, c'est pas moi votre histoire de neige, ni de bébé, ni de Lily. Je suis en train de me demander si c'est toi, le Breton, qui a déteint sur le romancier, ou si ce n'est pas le romancier qui a déteint sur le Breton. Alors ça y est, alors vous allez dire que je vis comme les héros de mes bouquins, bientôt. Bon, les héros, si tu veux. Ben, c'est des héros à leur façon. À leur façon, voilà. J'aime bien cette petite restriction. Ce sont des héros à leur façon. Et quant à ce qui est de dire que tu vis comme les héros de tes bouquins, je suis persuadé que oui, tu vis comme les dix héros. Tu vis comme une franche crapule. Mais j'imagine, les invente, je vis pas comme eux. Tu inventes? Tu inventes quoi? Qu'est-ce que tu as inventé? Tu n'as rien inventé. Vous allez dire que les bouquins sont vrais bientôt. En partie, je constate que le Breton auteur s'identifie en partie avec le Breton de la rue, le Breton qui dégringole bébert, le Breton qui traite de bébert, c'est pas moi. Le Breton qui dégringole des gardiens de la paix, le Breton qui fait le mariole, le Breton qui parle sur un ton qui ne me convient pas, le Breton qui s'imagine qu'il est un grand seigneur. Si, à ta façon, tu es un grand seigneur de la pègre. Mais appelons un toubib, nom de Dieu, voyez pas, je m'habille. Je n'appellerai un toubib que lorsque j'en aurai envie. Je te l'ai déjà dit, c'est moi qui commande ici. Et ce n'est pas toi. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mais c'est... Il a vu. Stop, messieurs! N'oubliez pas que c'était un jeu, et qu'ici, il n'y a ni vainqueur, ni vaincu. La radiodiffusion française vous a présenté Il y a du rififi chez les romanciers, un roman policier improvisé réalisé à Vence par Robert Sadoul avec le concours de Auguste Le Breton, Robert Gaillard, Francis Blanche, Joe Borelli, le célèbre collectionneur Nico Mazaraki, un inspecteur de la police mobile de Nice et Mouloudji. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 7 octobre 1954. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».